Chapitre 29e. David, s'étant à la hâte couvert de ses vêtements, ouvrit sa porte. Il vit Frédéric pâle, la figure bouleversée. « Mon enfant, qu'y a-t-il ? » « Ah, mon ami, quel malheur ! Un malheur ! La Loire, eh bien ! » « L'inondation dont on parlait hier chez le briquetier ! Un débordement ! C'est affreux ! Que de désastres, mon Dieu, que de désastres ! Venez, venez, mon ami ! De la lisière de la futaie, on ne voit déjà plus le Val. C'est un lac sans fin. » David et Frédéric descendirent précipitamment. Ils trouvèrent dans la salle d'étude Madame Bastien, qui s'était aussi levée en hâte. Marguerite et le jardinier poussaient des gémissements d'effroi. « L'eau va nous gagner. »« La maison va être emportée, » criait-il. « Et les métairies du Val, » disait Madame Bastien, les yeux pleins de larmes. « Ces maisons, toutes isolées, sont à cette heure peut-être submergées. » Et les malheureux qui les habitent, surpris la nuit par l'inondation, n'auront pas pu fuir. Alors, madame, dit David, c'est surtout des gens du Val qu'il faut s'occuper sans retard. Ici, il n'y a aucun danger. Mais l'eau est déjà un quart de lieue, monsieur David, s'écria Marguerite. Et elle monte toujours, ajouta André. Rassurez-vous, madame, reprit David. J'ai, depuis mon séjour ici, assez parcouru et observé le pays pour être certain que le débordement n'atteindra jamais cette maison. Son niveau est trop élevé. Soyez sans inquiétude. Mais les métairies du Val, s'écria Frédéric. L'inondation a dû gagner la maison de Jean-François, le métayer. Un bon et excellent homme, s'écria Marie. Sa femme, ses enfants sont perdus. Cette métairie, où est-elle, madame? Demanda David. À une demi-lieue d'ici, dans la basse plaine, on la voit de la lisière de la futaie qui domine au loin le pays. Hélas! « Du moins, on doit la voir si l'inondation ne l'a pas déjà entraînée. »« Venez, madame, venez, » dit David. « Courons nous assurer de ce qui est. » En un instant, Frédéric, sa mère, David, suivi du jardinier et de Marguerite, arrivèrent à la lisière de la futaie, beaucoup plus élevée que le Val. Quel spectacle ! Un quart de lieue de là, et aussi loin que la vue pouvait s'étendre au nord et à l'est, on n'apercevait qu'une immense nappe d'eau jaunâtre, limoneuse, coupée à l'horizon par un ciel chargé de nuages sombres, rapidement poussés par un vent glacial. À l'ouest, le rideau de la forêt de Pontbriand était à demi submergé, tandis que la cime de quelques peupliers de la plaine pointait çà et là au milieu de cette mer immobile et sans bornes. Cette dévastation, lente, silencieuse comme la tombe, était plus effrayante encore que les étincelants ravages de l'incendie. À un moment, les spectateurs de ce grand désastre restèrent frappés de stupeur. David, sortant le premier de cet abattement stérile, dit à Madame Bastien « Madame, je reviens à l'instant. » Quelques minutes après, il accourait, portant une excellente longue-vue dont il s'était maintes fois servi dans ses voyages. « La brume des eaux empêche de bien distinguer au loin, madame, » dit David à Marie. « Dans quelle direction se trouve la métairie dont vous parliez tout à l'heure ?»« Dans la direction de ces peupliers là-bas, à gauche, monsieur David. » Le précepteur dirigea sa longue vue vers le point désigné, resta quelques moments attentif, puis il s'écria « Ah, les malheureux !»« Ciel, ils sont perdus !» dit vivement Marie. « L'eau a déjà envahi jusqu'à la moitié de la couverture de leur maison, » reprit David. « Ils sont sur le toit, cramponnés à la cheminée. Je vois un homme, une femme, trois enfants. Mon Dieu !» s'écria Marie, les mains jointes et tombant à genoux, les yeux levés vers le ciel. « Mon Dieu, secourez-les, prenez-les en pitié !» « Et aucun moyen de les sauver !» s'écria Frédéric. « Ne pouvoir que gémir sur un pareil malheur !»« Pauvre Jean-François, un si brave homme !» dit André. « Voir mourir avec lui ses trois petits-enfants !» ajouta Marguerite en sanglotant. David, calme, silencieux et grave, comme il avait l'habitude de l'être à l'heure du péril, frappait convulsivement sa longue-vue dans la paume de sa main et semblait réfléchir. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Soudain, son front s'éclaircit et avec cette autorité d'accent, cette rapidité de décision qui distingue l'homme fait pour commander, David dit à Marie « Madame, permettez-moi de donner des ordres ici, les moments sont précieux. » « On vous obéira comme à moi, monsieur David. » « André, » reprit le précepteur, « vite, le cheval à la charrette. »« Oui, monsieur David. » « Sur l'étang qui n'est pas éloigné de la maison, j'ai vu un batelet. Y a-t-il encore ?»« Oui, monsieur David. » Il est assez léger pour tenir sur la charrette. Certainement, monsieur David. Moi et Frédéric, nous vous aiderons à l'y placer. Courez atteler, nous vous rejoignons. André se rendit en hâte à l'écurie. « Maintenant, madame, dit David à Marie, veuillez faire apporter tout de suite quelques bouteilles de vin et deux ou trois couvertures. Nous les emporterons dans le bateau. Car ces malheureux, si nous les sauvons, seront mourants de froid et de besoin. Faites aussi préparer des lits et un grand feu, afin qu'à leur arrivée ici, ils puissent recevoir tous les soins possibles. Maintenant, Frédéric, allons aider André et rendons-nous vite à l'étang. » Pendant que David disparaissait en courant avec Frédéric, Madame Bastien et Marguerite s'empressèrent d'exécuter les ordres de David. Le cheval, promptement attelé à la charrette, conduisit Frédéric et David à l'étang. « Mon ami, dit le jeune homme à son précepteur, et les yeux brillants d'impatience et d'ardeur, si malheureux, nous les sauverons, n'est-ce pas ? Je l'espère, mon enfant, mais le danger sera grand. Une fois les eaux mortes traversées, nous entrerons dans le courant du débordement, et il doit être rapide comme un torrent. Eh, qu'importe le danger, mon ami ? Il faut le connaître pour en triompher, mon cher enfant. Maintenant, dites, ajouta David avec émotion, croyez-vous qu'en exposant ainsi généreusement votre vie, vous n'expirez pas plus dignement la funeste action que vous avez voulu commettre qu'en cherchant dans le suicide une mort stérile ? Une étreinte passionnée de Frédéric fit voir à David qu'il était compris. La charrette, à ce moment, traversa une route pour se rendre à l'étang. Un gendarme, poussant son cheval au grand galop, arrivait à toute bride. « L'inondation monte-t-elle encore ? » cria David au soldat, en lui faisant signe de la main d'arrêter. « L'eau monte toujours, monsieur, » reprit le gendarme, haletant. « Les jetées viennent d'être rompues. Il y a 30 pieds d'eau dans le val. La route de Pontbriand est coupée. Le seul bateau que l'on avait pour le sauvetage vient de sombrer avec ceux qu'il montait. Tous sont péris. Je cours au château requérir du monde et les barques des pièces d'eau. » Et le soldat repartit en enfonçant ses éperons dans le ventre de son cheval couvert d'écume. « Oh ! » s'écria Frédéric avec enthousiasme. « Nous arriverons avant les gens du château, nous. »« Vous le voyez, mon enfant, l'envie a du bon, » dit David, qui pénétrait la secrète pensée de Frédéric. La charrette arriva bientôt à l'étang. André, Frédéric et David chargèrent facilement le léger batelet sur la voiture. Tout en s'occupant de cette manœuvre, David, avec cette prévoyance réfléchie qui ne l'abandonnait jamais, visita soigneusement les rames de l'embarcation ainsi que ses tolets, morceaux de bois plantés dans le plat-bord pour servir de point d'appui aux avirons. « André, dit-il au jardinier, avez-vous un couteau ? » ?»« Oui, monsieur David. Donnez-le-moi. Maintenant vous, Frédéric, retournez à la maison avec André. Hâtez le plus possible la marche du cheval, car à chaque minute l'eau monte et peut engloutir ces malheureux qui sont là-bas. Mais vous, mon ami, je vois ici de jeunes tiges de chêne. Je vais en couper pour remplacer les tolets du bateau. Ils sont vieux. Le bois vert est plus pliant et plus fort. Allez, allez, je vous rejoindrai en courant. » La charrette s'éloigna. Le vieux cheval, vigoureusement fouetté et sentant, comme on dit, la maison, prit le trot. David choisit le bois qu'il lui fallait, rejoignit bientôt la voiture qu'il suivit à la hâte et à pied, ainsi que Frédéric, afin de ne pas charger le cheval. En marchant, le précepteur donnait au tolet la forme convenable. Frédéric le regardait avec surprise. « Vous pensez à tout ?» lui dit-il. « Mon cher enfant, lors de mon voyage au Grand Lac de l'Amérique, j'ai été malheureusement témoin d'inondations terribles. J'ai aidé les Indiens dans plusieurs sauvetages et j'ai appris là que de petites précautions épargnent souvent de grands périls. Ainsi, je prépare un triple rechange de tolet, car il est probable que nous en casserons. » Et comme dit le proverbe marin, « à tolet cassé, aviron mort ». Il est vrai qu'alors l'aviron, manquant d'un point d'appui solide, devient presque inutile. Et que devenir au milieu d'un gouffre avec une seule rame, on est perdu. C'est juste, mon ami. Il faut donc nous préparer à ramer vigoureusement. Puis nous rencontrerons des arbres à fleurs d'eau, des berges de chemin, ou d'autres obstacles qui pourront donner de violentes secousses à nos rames, et peut-être les briser. « N'en avez-vous pas de rechange ? Il y en a encore une à la maison. Nous l'emporterons. Car faute d'un aviron, le sauvetage de ces malheureux peut devenir impossible, et notre perte certaine. Vous ramez bien, n'est-ce pas ? Oui, mon ami. Un de mes grands plaisirs était de promener ma mère sur l'étang. Vous serez donc aux avirons. Moi, je sonderai à l'avant, et je dirigerai le bateau au moyen d'une gaffe. Je vous fais ici, mon enfant, une recommandation essentielle que je n'aurai pas le temps de vous adresser une fois à l'œuvre. ne laissez pas traîner vos avirons. Après chaque coup de rame, relevez-les horizontalement. Ils pourraient s'engager ou se briser sur l'un de ces obstacles à fleur d'eau qui rendent si dangereuse la navigation sur les terrains submergés. « Je n'oublierai rien, mon ami, soyez tranquille, » répondit Frédéric. À qui l'expérience et le sang-froid de David donnaient une confiance sans bornes. Au moment où la charrette allait atteindre la maison, David et Frédéric rencontrèrent un grand nombre de paysans éplorés, poussant devant eux des bestiaux et accompagnant des voitures où l'on voyait entasser pêle-mêle des meubles, des ustensiles de ménage, des matelas, des vêtements, des barils, des sacs de grains, enlevés à la hâte au flot envahissant de l'inondation. Des femmes portaient des enfants à la mamelle, d'autres avaient sur leur dos des petits garçons ou des petites filles, pendant que les hommes tâchaient de guider le bétail effaré. « Est-ce que l'eau monte toujours, mes pauvres gens ?» leur demanda David, sans s'arrêter et marchant à côté d'eux. « Hélas, monsieur, la crue augmente encore. Le point de blé-mur vient d'être emporté, » dit l'un. « Il y avait déjà 4 pieds d'eau dans le village quand nous l'avons quitté, » reprit l'autre. « Les grands trains de bois du bassin de Saint-Pierre, » reprit un troisième, « viennent d'être entraînés dans le courant du Val. Ils descendent comme la foudre. Ils ont fait chavirer en les heurtant 2 grosses barques de Loire, montées par des mariniers qui venaient apporter du secours. Tous ces braves gens ont été noyés, » ajouta un témoin de ce sinistre, « car la Loire, dans ses plus hautes eaux, n'est pas moitié moins rapide que le courant de l'inondation. » « Et c'est malheureux là-bas, » dit Frédéric à David, en frémissant d'impatience. « Arrivons-nous à temps, mon Dieu ? Oh, si les gens du château nous devançaient !» La charrette touchait alors à la ferme. Pendant que l'on mettait dans le batelet les provisions et les couvertures, David demanda une serpe à André, et alla choisir une longue tige de frêne de 10 pieds environ, légère, souple et maniable. Un crochet de fer servant à soutenir la poulie d'un puits fut solidement fixé à l'une des extrémités de cette gaffe improvisée, qui devait ainsi servir soit à aller le bateau le long des obstacles apparents, soit à le maintenir le long du toit des maisons submergées. La longue corde du puits fut aussi placée dans le batelet, ainsi que 2 ou 3 planches légères, solidement liées ensemble, et pouvant servir de bouée de sauvetage en un cas désespéré. David s'occupait de ces détails avec une activité réfléchie, une fécondité d'expédients qui surprenait Madame Bastien, non moins que son fils. Lorsque tout fut prêt, David jeta un attentif et dernier regard sur chaque objet et dit à André « Allez le plus vite possible jusqu'à la rive de l'inondation. Frédéric et moi, nous vous rejoindrons. Vous nous aiderez à décharger le batelet et à le mettre à flot. » La charrette, longeant alors la lisière de la futaie où restèrent David, Frédéric et sa mère, se dirigea vers la plaine submergée que l'on voyait au loin. La pente étant assez inclinée, le cheval se mit au trot. Pendant que la charrette s'éloignait, David prit la longue vue qu'il avait laissée sur un des bancs rustiques de la futaie et chercha la métairie. L'eau arrivait à 2 pieds de la crête du toit sur lequel toute la famille du métayer était réfugiée. David posa sa longue vue sur le banc et, d'une voix ferme, dit à Frédéric « Mon enfant, embrassez votre mère et partons, le temps presse. » Marie frissonna de tout son corps et devint d'une pâleur mortelle. Pendant une seconde, il y eut dans l'âme de la jeune femme une lutte terrible entre la voix du devoir, qui lui disait de laisser Frédéric accomplir une action généreuse au risque de sa vie, et la voix du sang, qui lui disait d'empêcher son fils de braver un péril de mort. Cette lutte fut si poignante que Frédéric, qui n'avait pas cessé de regarder sa mère, la vit faiblir, épouvanté de la pensée de perdre son fils alors qu'elle le retrouvait si digne d'elle. Aussi Marie, enlaçant Frédéric entre ses bras, pour s'opposer à son départ, s'écria d'une voix déchirante « Non, non, je ne veux pas !»« Ma mère !» lui dit Frédéric à voix basse. « J'ai voulu tuer. Il y a là des gens que je peux arracher à la mort. » Marie fut héroïque. « Allons, mon enfant, viens !» lui dit-elle. Et elle fit un pas en avant comme pour aller aussi rejoindre le bateau. « Madame !» s'écria David, devinant sa résolution. « C'est impossible !»« Monsieur David, je n'abandonnerai pas mon fils. Ma mère !»« Madame !» reprit David. « Le batelet peut contenir au plus 5 personnes. Il y a un homme, une femme et 3 enfants à sauver. Nous accompagner dans le bateau, c'est nous forcer de laisser là-bas, vouer à une mort certaine, le père, la mère ou les enfants. » À ces paroles sans réplique, Madame Bastien dit à son fils, Va donc seul, mon enfant. » Et la mère et le fils confondirent leurs larmes et leurs baisers dans une dernière étreinte. Frédéric, en sortant des bras de sa mère, vit David qui, malgré la fermeté de son caractère, essuyait ses pleurs. « Mère, » dit Frédéric en montrant son ami du regard, « et lui ?»« Sauvez son corps comme vous avez sauvé son âme !» s'écria la jeune femme en serrant convulsivement David contre son sein palpitant. « Ramenez-le-moi ou je mourrai !» David fut digne du chaste et saint embrassement de cette jeune mère qui voyait son fils aller braver la mort. Ce fut une sœur éplorée que David pressa contre son cœur. Puis, prenant Frédéric par la main, il s'élança dans la direction de la charrette. Tous deux jetèrent un dernier regard sur Madame Bastien, dont les forces étaient à bout et qui retomba brisée sur l'un des bancs rustiques de la futaie. Cet accès de faiblesse passé, Marie se releva et suivit des yeux son fils et David aussi longtemps qu'elle put les apercevoir.